Attends, silence. And the Oscar goes to Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Salut à tous et bienvenue dans Toiles et Sillons, j'espère que vous allez bien. Toiles et Sillons à la radio, c'est l'émission qui écoute le cinéma. Des bandes annonces, des musiques, des chansons de films, nous partons à l'écoute de la bande sonore du cinéma à la radio, mais aussi sur internet, sur toilesetsillons.fr, où vous pouvez retrouver toutes les émissions après leur diffusion, à télécharger, à écouter en direct sur le site ou à podcaster toilesetsillons.fr. Et vous pouvez aussi vous rendre sur la page Facebook de l'émission Toiles et Sillons. Pour tout savoir de cette émission aujourd'hui, eh bien, nous continuons notre panorama des grandes stars du cinéma français et nous allons consacrer une heure à Gérard Depardieu. On va se balader dans la carrière de Gérard Depardieu avec quelques-uns de ses films. Bien sûr, on ne pourra pas tous les évoquer. On commencera avec un extrait de Vincent François, Paul et les autres. Il était tout jeune, c'était en 1974. Il y avait aussi Yves Montand, Serge Reggiani, entre autres. On écoutera une scène du film et puis ensuite la musique de Philippe Sard. On écoutera ensuite Les Anges Gardiens, Cyrano de Bergerac, magnifique film qui lui a valu un César. La Chèvre de Francis Cabrel, Uranus de Claude Berry, Le Choix des Armes d'Alain Corneau. Jean de Florette de Claude Berry à nouveau, Tenue de soirée de Bertrand Blier, Les Valseuses de Bertrand Blier aussi. Et puis on terminera avec un autre des succès de Francis Weber. Mais on commence donc avec 1974, film de Claude Sautet, Vincent, François, Paul et les autres. C'est parti pour une heure en compagnie de Gérard Depardieu. C'est parti. Julia, impeccable. Ça c'est un gigolo. Ouais. Alors, Jacques, tu disais la banlieue? Je dis pas la banlieue, mais un peu plus loin. Quand tu traverses, tu ne connais plus rien. Ni personne. C'était pourtant bien ces petites maisons. On se croyait à la campagne. Assez merci. En tout cas, c'était moins laid que ces tours. Ça dépend lesquelles. Ah, regarde, c'est vrai, il y a des tours qui sont belles. Oui, mais en général, dans celle-là, il y a des bureaux. Puis les autres, t'as qu'à voir les prix. Ah, Julia, t'as pas un autre couteau? Non, ça va, ça. Oui, il y en a un, sans manche là-dedans. Sans manche, non. ça va, regarde. En tout cas, les gens qui habitaient là, ils se sont expulsés, eux. Sans histoire. Dans les horloges? Oui, dans des HLM, avec des loyers qu'ils peuvent pas payer. Donc à s'installer plus loin? Oui, dans la Creuse, c'est pas mal, il paraît. Ou dans l'Ardèche. Tu rigoles, mais les types qui sont déjà à 60 ou 100 km de leur travail, c'est pas une rigolade pour eux. En attendant qu'on les éjecte un peu plus loin. C'est l'évolution urbaine, c'est inévitable. Faut savoir s'adapter. S'adapter, t'es très marrant, toi. Faut avoir les moyens de s'adapter. Pierre. Ben, c'est François qui a raison. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils n'ont qu'à s'arranger. Ou pour en avoir, ou pour s'en passer. Mais pas pour emmerder les autres, qu'est-ce que ça veut dire? S'adapter, ça signifie quoi? Ça signifie vivre avec son temps, savoir bouger avec la société. Comme François. Naturellement, une seule devise. Pour changer de vie, changer la vie. Hein? Ah, autrefois, c'était autre chose. Fallait pas rire avec le progrès social, sinon ils se fâchaient. Comment c'était la grande époque du dispensaire. Créons et multiplions les dispensaires de banlieue, nous devons soigner les pauvres gratuitement. La science n'est pas à vendre. Nous sommes au service du monde, etc., etc. Voilà ce qu'on entendait à Maison Alfort dans les années 50. Puis alors, je sais pas ce qui s'est passé, là, pff, tout d'un coup de baguette. Plus de dispensaire, dis donc. Et à la place, une clinique toute blanche à l'étoile. Nous sommes au service du monde, mais... du beau monde. C'est ça l'évolution urbaine, mon petit garçon. Les autres, ils n'ont qu'à s'installer plus loin. C'est ça, s'adapter, t'as compris? Non, mais je vais pas entendre des conneries toute ma vie. Recevoir des leçons imbéciles jusqu'à la fin des temps. Écoutez, un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer, des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi. Merde! Et quand on s'est parti, celui-là qui va rester avec sa dent osseuse, quel genre mécanique, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Écoute, François, écoute. Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous, un bon dimanche, petit chico à la con! Merde! Tu t'appelles Antoine Carco. C'est pas ça. Capitaine Haddock. Je veux retrouver ma maman. Allez, grave, vite, vite. Oui, vite, vite. Pas trop de violence, mon fils. Minimum. Mais je me laisse un fou. Comme Plétli, reste pas le chapelle. Le père Puff a failli se faire ratatiner. Il y a un curé qui va ramener Bao demain. Tiens, pas de ça. Il est méchant, le capitaine Haddock. On n'échappe pas à sa conscience. Elle vous poursuivra jusqu'à la fin de l'Indien. Comment il est, le tien? Il te ressemble? Ouf. Parce que moi, il est assez proche. Avec une tête de veau. T'es devenu un salaud, toutou. Oh! Tu fais n'importe quel de tes gris-gris, mais tu m'enlèves ces visions. Mais vous me prenez pour qui? Pour un sorcier africain? Mince. T'es vraiment un atrophié du bulbe. Ah, avec moi, tu vas t'éclater. Allez, venez, venez. Bon, mais oui. Que faites-vous dans ce bastringue? Comment m'avez-vous trouvé d'abord? Une relation qui connaissait l'endroit. Pas tes rétros. Comment on peut faire pour s'en débarrasser? Cesse de ne t'intéresser qu'aux pognons, et je disparaîtrai sur le champ. T'es prêt à me fouiller le cul avec une lampe torche? Oh, c'est la cata! Au stade où on en est, il vaudrait mieux faire appel à des professionnels. Monsieur, ma compagne, elle pratique de temps en temps des extrêmes onctions en cas de bavure. Ton mari n'a pas eu un accident, il a été buté par la barricade. Baron ne nous attend pas à la maison, il a été enlevé! Votre fils a une double quitte, c'est pour ça que j'ai décidé de le ramener à sa mère. On a une eau ici qui est d'une qualité. J'ai cru voir quelqu'un que je connaissais. Je suis là, mon poulet. Depuis ce matin, plus d'ange. Plus de nouvelles, bonne nouvelle. We'll be right back. wanna know the sweet taste of your skin. I wanna lose my self-control. You see, I'm burning with desire. Cyrano n'est pas là, j'ai perdu mon pari. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Heureux, qui loin des coups, dans un lieu solitaire. Coquin ! N'était-ce pas interdit pour un mois ? C'est lui, j'ai gagné. Roi des pitres ! Hors de scène à l'instant ! Mon monsieur ! Ah ! Je vais me fâcher ! Oh ! Il sort ! Mais monsieur ! Vous n'avez pas encore fait ? Bon, je vais sur la scène en guise de buffet découper cette mortadelle d'Italie. J'aime, mais c'est forcé. La plus belle qui soit. Je m'exalte, j'oublie, et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Roxane, je voudrais... Christian ! Thank you. La seule façon de retrouver la petite, c'est de confier l'enquête à quelqu'un d'aussi malchanceux qu'elle. Oh là là là là. Je vais me donner à fond sur ce coup et ça va faire mal. En route. Allez vous coucher. Je serai sur le pont. Qu'est-ce que vous allez foutre sur le pont? Interroger une de ses camarades. Je sais que vous n'avez pas eu beaucoup de chance dans votre enquête, mais à nous deux, ça va changer, croyez-moi. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Et vous vous enfoncez sans réagir? Si je réagis, je m'enfonce encore plus. C'est bien connu, il ne faut pas se débattre dans les sables mouvants. Perrin, il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Ben, si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. C'est fini, oui? Excusez-moi, mais je crois que j'ai indiqué. C'est une pute. 50 dollars, elle se couche tout de suite. Je crois que vous foutez le doigt dans l'œil. Essayez. C'est moi qui vous les donne si ça ne marche pas. C'est pas son jour, dit-on. C'est jamais son jour. Il est tombé? Sûrement, oui. Ça me rappelle le pavillon de mes parents à Saint-Cloud. Il y a eu une tornade à Saint-Cloud? J'avais acheté une bouteille de butane et... Pourquoi vous me regardez comme ça? Ça va pas? Si, si, ça va. Il est temps de passer à l'action, je commence à avoir des fourmis dans les jambes, moi. Déclamé. Quelles sont les formalités pour faire partie du club? On vient tirer le dépôt qu'on a fait chez vous. Messieurs, dames. Oh, mais quel con, alors! Défendez-vous. Faites pas l'idiot. Vous allez vous faire mal, je vous dis. J'avais une vie un peu plate avant de vous rencontrer, Perrin. Merde. Si elle me pique, je meurs. Oh. En vacances, une fois, j'étais piqué. Une semaine d'hôpital. Failli crever. Je gonfle, puis je me mets étouffé. Bougez pas. Faut pas l'affoler, je vous dis. Elle est comment, là? Elle est affolée? J'ai l'impression qu'elle s'est assoupie si elle fait sa nuit, Perrin. Si, j'aurais été foutu. Thank you. se mette dans la limonade en 33, que la guerre éclate en 39, que la ville soit bombardée en 44, pour que moi, je devienne poète. L'histoire commence dans une petite ville de province, légèrement amochée par la guerre, précisément au moment où celle-ci se termine. Venir chercher un collabo chez un résistant, ça, c'est la meilleure. Toi, Léopold, un résistant. Ah bah, première nouvelle. Si je voulais raconter tout ce que j'ai fait. Tiens, personne ne le sait, mais jusqu'à la libération, j'ai eu un juif comme garçon de café. Il n'arrêtait pas de me casser les verres. J'ai failli le virer à coup de pompe, mais je me suis retenu. Je me suis dit, non, Léopold, t'as pas le droit. Un juif, par les temps qui courent, c'est sacré. Quelquefois, la guerre a du bon, Léopold. La guerre, tout le monde l'avait faite. Mais pas de la même façon. Si on n'avait pas réussi à être prisonnier de guerre, on avait eu la formidable chance d'avoir été au choix résistant, collabo, dans le marché noir ou communiste. Cela successivement, ou alors, suprême délicatesse, le tout en même temps. Oui, mais ça, tout le monde le sait. Oui, mais moi, j'en sais plus que tout le monde! Le monde est très bien fait. Il y a dans l'homme des ressources qui ne risquent pas de se perdre. Bon alors, vous m'arrêtez ou vous me laissez aller, faudrait savoir. Non, moi, mes apéritifs, mon petit marché noir, ça suffisait à mon bonheur. Tandis que vous, vous vous tapiez dans la grosse galette. Bon, la force du parti, c'est les gens comme nous, les gens honnêtes. Le parti, c'est compromis pour couvrir tes conneries. Tu n'as pas le droit. Oui, il me prenait, il croyait que c'était moi, fumier. Les dénonciations, ça me fait jouir. Dans l'horreur, toutes les idées se valent. Et les hommes, on ne peut rien penser de plus beau. De plus doux que les hommes. Nous sommes des lâches et des hypocrites, comme la majorité des gens. Vous en connaissez beaucoup des gens courageux, des héros, des amis. N'empêche que les hommes sont des créatures admirables. Rock, rock, rock, rock, rock! A rock and roll! De mon pied. Ça gicle. Regarde. L'eau est empêchée, mais elle est là. Quand je pense qu'il a laissé perdre cette fortune. Alors, c'est toi qui hérites? Non, c'est Florette. Et qui c'est cette Florette? Regarde, Manon, regarde. Regarde toutes ces fleurs que tu vas me cueillir. Regarde la maison. Hé! ni acheté, ni loué. Et pourtant, je suis ici chez moi. Eh bien, si vous étiez né ici, comme votre pauvre mère, on vous appellerait Jeanne de Florette. Suppose que tu passes près de la source avec un sac de ciment sur le dos. Tu glisses, tu tombes et paf. Le ciment va tout juste boucher le trou. Et dans les terres dont nous avons hérité, il y a une source. Une source? Quelle source? Oui. Elle figure sur le cadastre dont le notaire m'a donné une copie. Il vendra. On porte plus, mais ça fait moins d'ampoules qu'une pioche. Et puis, c'est souvent qu'un paysan devient bossu, mais c'est rare qu'un bossu devienne paysan. Mais jamais de la vie! Jamais je ne vendrai le bas où ma mère est née! Et où j'espère finir mes jours, fortune faite! Papa! Il y a plus d'eau! Galinette, si nous avons encore quelques belles journées comme ça, c'est pas avec deux ou trois bidons qui pourra sauver les maïs, le potager et tout le reste. Hein. Quand on a commencé d'étrangler le char, il faut le finir. Type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Tu vas la fermer ou bien je t'en mets une autre? Une brique. Ça te suffit? Combien il faut casquer pour que tu la bouffes? Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? D'où il sort? Tu sais qui c'est la fille que tu viens de frapper là? Pas envie de faire sa connaissance, elle a une trop grande gueule. C'est ma femme. C'est un couteau qui a jamais servi ça. Je pourrais parfaitement l'inaugurer. Alors bouge pas, je vais te faciliter le travail. Tiens, vise en dessous de la ligne de flottaison, sinon le bateau écoule pas. Profites-en, l'équipage est bourré. Marrez-vous. Mais mon pauvre ami, si j'étais vraiment pédé, il y a longtemps que tu y serais passé à la casserole. T'as réfléchi un petit peu à un mec comme moi. Je te coince entre deux portes et hop! Oui, bah maintenant c'est à ton tour, il faut que t'en tâtes. Et puis de la grosse, de la bien congestionnée. Je suis désolé de te décevoir, mais j'en ai pas envie. T'as qu'à faire comme moi. T'as qu'à te forcer. Une fois que c'est dedans, le plus dur est fait. Bon, ne sois pas vulgaire, Monique, s'il te plaît. D'abord, une femme, c'est pas pareil. Mais c'est pas un pédé, ce mec-là. C'est pas possible. Qui prétend que j'en suis, hein? Une serrure, il faut que ça mouille. C'est comme tous les orifices. Tu la démarres à la salive. Et t'attends qu'elle se donne. J'ai dit en l'aide ta main de ma braguette. Oh, bah dis donc, il est pas aimable. Je suis très aimable, mais je suis pas pédé, nuance. Mais personne t'a jamais demandé d'être pédé. Quelqu'un lui a demandé d'être pédé? Non, je crois pas. Tu serais pas en train de me faire un coup fourré, toi, par hasard? Comment ça? Faire semblant d'être pédé pour mieux pouvoir baiser ma femme, par exemple. Tu sais que t'es beau, toi, quand tu te fais du souci. Non, bah, me demande pas ça. C'est juste pour sortir. Ce soir, je t'emmène au bal. Attention, butane! Attention, butane! Allez, encore, ça va te calmer les nerfs. Oh, bravo! Attention! Espèce de vieille pédale. On se calme, les garçons, on se calme. Tu sais ce qui se passe quand on ouvre la bouche? Ça sent la pissotière! Oh! En général, une feuille de vigne, ça cache quelque chose. Certains préfèrent le drapé antique, d'autres n'hésitent pas à bafouer la nature, et pourtant, ça existe. Ça porte un nom. Étant donné que celui qui a des roubignoles ne peut pas ressembler à celui qui a des baloches, imaginons ceux qui ont des roustons, des roupettes, des boules, des bougnes, des bourses, des burnes, des bonbons, des burettes, des ronfles, des rouleaux, des précieuses, des joyeuses, des baladeuses, des glorieuses, des paresseuses, des flambeuses, des olivettes, des montgolfières, des castagnettes, des délinquantes, sans oublier les bijoux de famille, les voisines du dessous, les deux orphelines, et surtout, les valseuses, qu'il ne faut pas confondre avec le valseur. Nuance. Les valseuses, c'est le titre d'un film, de cinéma, en couleur. Les valseuses, prochainement. Un des films qui a révélé en vedette Gérard Depardieu, c'était Les Valseuses de Bertrand Blier en 1974, où on trouvait bien sûr évidemment Miu Miu et Patrick Devers. La musique était signée Georges Delerue et Stéphane Grappelli. On arrive à la fin de ce Toiles et Sillons consacré au grand Gérard. J'espère que vous avez passé un très bon moment à l'écoute de l'émission qui écoute le cinéma. On va se retrouver très vite pour un nouveau Toiles et Sillons. En attendant, pour rassasier votre soif de musique de film, vous pouvez aller sur toilesetsillons.fr pour réécouter ou écouter toutes les anciennes émissions. toilesetsillons.fr, les émissions à télécharger, à écouter en direct, ou encore pour s'abonner au podcast et n'en manquer aucune. Et la page Facebook Toiles et Sillons pour tout savoir de ce qui se passe dans l'émission. On se quitte avec un film de 1983, 2 ans après le grand succès de La Chèvre et 3 ans avant de clore la trilogie avec Les Fugitifs. Francis Weber réunissait à nouveau Pierre Richard et Gérard Depardieu pour Les Compères. Il y avait aussi Michel Aumont, Annie Dupéret et Stéphane Berry, Les Compères, donc 1983. On écoute la bande-annonce et on se quittera avec la musique signée Vladimir Cosma. On se retrouve très vite pour un nouveau Toiles et Sillons. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Je commence à avoir du mal à vous supporter, vous. Je vais lui dire que Tristan est son fils. Oh, que je suis heureux, Christine, tu peux pas savoir. Garçon ! Je vais lui dire que Tristan est son fils. Oh, vous connaissez ce garçon, monsieur Raffin ? Qui êtes-vous ? Son père. Son père ? Mais il a combien de pères, ce gosse ? Réponds seulement à une question, quel est le père de cet enfant ? C'est peut-être toi le père, c'est peut-être Paul, c'est peut-être Pignon, mais on verra ça plus tard. Je vous en supplie, ramenez-moi mon fils. Comment ça, tu sais pas qui est le père ? De quel droit vous mêlez-vous de mes affaires ? À quel droit ? Parce que c'est ton père ! Mon fils ! Salut les jeunes ! Ça gaz ? Je peux te parler une seconde ? Allons, on ne chahute pas. Tu veux boire quelque chose ? J'ai dit on ne chahute pas. C'est pas comme ça, Pignon. n'avez aucune force. C'est d'ici que ça doit partir. Mais dis donc, Pepper. Voilà. Deux types avec des rasoirs. Dans les toilettes. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Elle est belle, cette voiture. C'est ma police, hein. Elle est neuve. Je l'ai prise pour la rôder, c'est une BM. Je l'aurais prise en gris métallisé, moi. Moi pas. Merde, la BM. Si je retrouve les types qui ont fait ça, je les tue. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de macho ? Ne me traitez pas de macho, espèce de connard d'intellectuel de mes deux ! Alors maintenant, on rentre ou je vais me fâcher ? Je veux pas partir avec eux, je les connais pas. Non, permettez, qui êtes-vous exactement ? Eh bien, voilà, docteur. Il y a bien longtemps, la maman de ce jeune homme, qui était elle-même une toute jeune fille... Bon, ça va, je suis son oncle. Moi aussi. C'est vrai ? Je vous le jure sur la tête de mes trois pères ! Ah, il est bien, votre fils.